Pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue sur l'émission Label Rock, votre podcast musical chaque semaine, deux heures de musique pas comme les autres. Bienvenue donc en cette semaine qui débute le 1er novembre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que comme moi, vu le temps qu'il faisait, vous avez eu le temps d'écouter pas mal de musique. Donc attendez-vous tout au long de ces deux heures à beaucoup de nouveautés, mais aussi beaucoup de bons plans concerts. Il y a beaucoup de groupes qui seront dans la région Rhône-Alpes notamment, mais un petit peu partout en France. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de ces deux heures. On commence cette émission donc avec un groupe anglais de folk rock du nom de Frankie and the Heartstrings. Ils viennent de Sunderland. D'ailleurs, ils se définissent eux-mêmes comme le tout nouveau groupe pop rétro de Sunderland. Je vous rappelle que Sunderland, c'est une ville évidemment en Angleterre, que le groupe existe depuis 2009 à peine et a déjà joué en première partie par exemple de Florence and the Machine. Un single qui est donc arrivé qui s'appelle Tender. On commence Label Rock avec ça, Frankie and the Heartstrings. C'est parti. Tender is the night, because I like it by candlelight. We'll watch naked by my glee, which only reminded you of me. And I would leave if you won't leave. We'll stay till we see fit. If nothing's alright, it'll be alright, as long as we stay warm. I'm the one you'll not forget, but perhaps your one regret. I can't help but be myself when I say there's no one else. And I won't leave if you won't leave. We'll stay till we see fit. If nothing's alright, it'll be alright, as long as we stay warm. Frankie and the Heartstrings, Tender, pour commencer cette émission Label Rock. Je vous le disais, beaucoup d'annonces de concerts. On va y aller d'ailleurs tout de suite, hein, puisque je vais vous parler maintenant d'un groupe culte anglais qui s'est formé en 1985. Ils ont sorti 8 albums à ce jour, le dernier qui remonte à 2008. Ils sont 4, si je vous dis le nom du guitariste et du chanteur principal. Je pense que vous aurez largement reconnu le groupe qui s'appelle Wedding Present. David Gedge, donc Terry De Castro, Charlie Layton et Graham Ramsey qui seront en tournée un petit peu partout dans le monde pour célébrer le 20e anniversaire de leur premier album, hein, pas premier album, mais premier album sur une major company. Il s'appelait Bizarro. Pour l'occasion, le groupe qui va jouer entièrement ce disque dans une série de concerts donc partout dans le monde, avec quelques dates en France, notamment demain, mardi 2 novembre, du côté de l'épicerie moderne, le 4 au Rockstore de Montpellier, le 15 à l'Ubu de Rennes et le 16 au Point Éphémère de Paris. Voilà, si vous ne connaissez pas The Wedding Present, eh ben c'est ça. Oh well, oh well, you chat. I'm no rocket blast. Remember they lined you up for a Hollywood movie cast. With all those big cigars and motor cars, you thought you were a movie star. But I'm a girl blast, you sure are changing fast. When you were just 16, you were knocking at the ages door. Because the film screen is what a movie queen is for. They gave you pinks and dreams and pinks and greens. You threw away your old blue jeans. That would be the last thing you do. You come on, come on, come on now, rocket. I'm gonna launch you soon. Come on now, rocket. You're gonna reach the moon. You're gonna take off soon, you're gonna reach the moon. You know your time will come, I'll give you 3, 2, 1. Now rocket, I'm gonna launch you soon. I saw you sitting in the soda store on the Casbah Stars Fall. Where I'd right been over for and hang a photograph on the wall. Oh, but to me, you still got sweet 16. With 100-year-old blue jeans. I'm getting rid of Abigail Blast. I'll call you Rocket, forget the past. Come on, come on, come on, come on now, Rocket. I'm gonna launch you soon. Come on now, rocket. You're gonna reach the moon. You're gonna take off soon. You're gonna reach the moon. You know your time will come. I give you 3, 2, 1. Now rocket. I'm gonna launch you soon. Label Rock. Label Rock. Électriquement. Très satisfaisant. Morceau, mais un classique du Wedding Present Rocket pour commencer. Je vous rappelle qu'ils célèbrent donc 20 ans de leur sortie de l'album Bizarro. Pour ça, ils sont donc en concert. Je vous rappelle le 2 novembre à Lyon à l'épicerie moderne, le 4 à Montpellier, le 15 à l'Ubu de Rennes, le 16 au point éphémère de Paris. Pour la date de Montpellier, c'est bien évidemment au Rockstar. Wedding Present, donc ça s'appelait Rocket. Et puis à l'instant, un autre groupe anglais qui vient de Londres. Nouveauté cette fois-ci dans Label Rock, un groupe composé de 3 musiciens qui jouent régulièrement dans les pubs de la capitale britannique. Youssouf, Tim, Emma, ils se font appeler Dear Thief. Je vous ai passé un extrait qui s'appelait Capitol, nouvel album qui va sortir le 8 novembre sur le label Sartorial Records et The Orchestra Pit. L'album s'appelle Under Archway et vous verrez que on reviendra sur Dear Thief et notamment sur le label Sartorial Records puisque c'est le label de Terry Edwards. Terry Edwards qui a d'ailleurs produit cet excellent album du groupe Dear Thief. Allez, on continue, on change de style puisqu'on va parler des prochaines sessions des Mardis du Grand Marais à Riorges. C'est ce mardi 2 novembre avec à l'affiche un Lyonnais qui s'appelle Dorandem. Fat de mou, wahimak dana gude alla, wae du fa fanan, das bogis day. Dans le programme Label Rock, le morceau s'appelait African Legacy. Je vous rappelle qu'ils seront les prochains invités des Mardis du Grand Marais. C'est ce mardi de novembre à partir de 20h30. Ils sont quatre, hein. Au micro, il y a Nasri, originaire de Dakar. Il rappe depuis l'adolescence dans des groupes comme Takusan, Rasta Baby, puis Xalima. À ses côtés, Kostia, l'ex-guitariste de Maite Show. Il est le MC du groupe et le compositeur de Randem. Et puis autour d'eux, il y a l'ancien DJ Sheriff, compositeur et scratcher, sans oublier Nico, le batteur du crew, qui est aussi multi-instrumentiste et qui enseigne aussi au conservatoire de Vienne. Voilà, donc du côté de Riorge, Dorandem, Sound System à géométrie variable, hein, qui rend hommage aux musiques des Gotto Black, reggae, raga, dancehall, hip-hop. Il y a un album qui existe aussi qui s'appelle justement African Legacy, disponible depuis 2 ans, il me semble, chez Jarring Effect. Je vous rappelle donc, ils seront en concert au Mardi du Grand Marais à Riorge à partir de 20h30 ce mardi de novembre. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Label Rock, électriquement, très satisfaisant. We'll be right back. Je vous parlais de Terry Edwards en début d'émission, notamment pour avoir produit le prochain album de Dear Thief. Et ben Terry Edwards et ses Space Goats qu'on s'est écouté il n'y a pas si longtemps que ça. C'était un single sorti chez le label The Orchestra Pit. Si vous ne connaissez pas Terry Edwards, je vous rappelle que c'est un artiste anglais qui a officié notamment avec les Ixons, les Galleon Drunk, Madness, Billy Bragg, Tom Waits, les Tindersticks, Nick Cave, PJ Harvey, Lydia Lunch, Robin Hitchcock, The Duke Spirit, Dirty Pretty Things et Elbo, juste pour les nommer. Terry Edwards donc and the Space Goats, single disponible, je vous rappelle, sur le label The Orchestra Pit, ça s'appelait Free Blind Mice. Et puis à l'instant, un extrait du tout premier album pour un des pionniers de la musique électronique moderne, l'anglais Dave Lee. L'album est sorti le 11 octobre sous le nom d'Akabu. L'album s'appelle The Future Ain't What It Used To Be. C'est disponible sur le label Z Records. Un album influencé justement par 20 ans de carrière dans la musique électro pour l'anglais Dave Lee. C'était un titre qui s'appelle Smacks My Beach Up. Vous écoutez Label Rock comme chaque semaine sur votre portable, sur votre iPhone ou directement sur votre chaîne iFi ou alors en streaming sur l'internet. Aucun souci, vous allez sur http://labelrock.blogspot.com et vous retrouverez non seulement la possibilité de réécouter cette émission, mais aussi tous les track listings avec les liens pour aller directement dans les sites MySpace pour aller notamment acheter tout ce qu'on vous joue, mais aussi écouter d'autres extraits et puis trouver les bonnes dates de concert. Voilà. Allez, on continue avec un duo belge qui vient de sortir un nouveau single. Le single s'appelle Spoiled Rich Bitches, avec dessus pas mal de remixes, dont un signé par les BitTorrent. Les BitTorrent qui étaient en live au Phil samedi dernier et qui seront aussi en concert au Chaos à Lyon le 9 novembre. Wax Dolls donc, Spoiled Rich Bitches, remix signé BitTorrent. This is what happens with spoiled rich bitches. Spoiled rich bitches. This is what happens with spoiled rich bitches. Spoiled rich bitches. Bomb the suckers, stick like she means it. She took a good pounding ride. Bomb the suckers, stick like she means it. Leaving his load on her face. Bomb the suckers, stick like she means it. She took a good pounding ride. Bomb the suckers, stick like she means it. Leaving his load on her face. This is what happens. This is what happens. This is what happens. This is what happens. This is what happens. This is what happens. This is what happens. Spoil. Like she means it. She took a good pounding ride. Bomb the suckers, stick like she means it. Leave his load on her face. Bomb the suckers, stick like she means it. She took a good pounding ride. Bomb the suckers, stick like she means it. Leave his load on her face. Spoiled rich bitches. Spoiled rich bitches. Spoiled rich bitches. Spoiled rich bitches. Le single s'appelle Spoil Rich Bitches. Le groupe s'appelle Wax Dolls. Pas mal de remix, je vous disais, sur ce single. Celui qu'on vient de s'écouter est remixé par les BitTorrent. Les BitTorrent, justement, plus de 200 dates en France et partout dans le monde. Mais aussi un excellent projet de remix qui sort le 8 novembre chez Kif Records. Le disque s'appelle Reworks. Avec dessus des remix de Naive New Beaters, par exemple, Lexicon, les Birdie Nam Nam, Beat Assayant et l'Oncle Ben et encore plein d'autres. Si vous êtes fan des BitTorrent, sachez qu'ils sont donc en concert au Chaos à Lyon. Ça sera le 9 novembre prochain. On continue la Bell Rock avec une nouveauté assez bizarre. Un extrait du prochain album des Américains de Dear Oof. L'album s'appelle Dear Oof versus Evil. Il faudra attendre le 24 janvier prochain sur le label ATP Recordings pour écouter la suite de ce 10e album. Sachez, si vous avez aimé ce titre de Mary Barracks, que vous pouvez le télécharger gratuitement sur leur site MySpace, www.myspace.com/Dear Oof. D-2-E-R-H-2-O-F. Dear Oof. La Bell Rock. Les nouveautés dans Label Rock qui continuent tout de suite avec un groupe français qui vient de Reims. Ils sont 6, on les applaudit et découvert du côté des Mardis du Grand Marais à Riorges. C'était en janvier 2009, souvenez-vous, il s'appelle The Bewitch Hands. Premier album Birds and Drums qui est sorti le 25 octobre. Et là encore, ils sont actuellement en pleine tournée. Donc je vous invite à aller directement sur leur site MySpace, www.myspace.com/handsbewitched, pour avoir toutes les dates, notamment des dates du côté de la Marquise à Lyon. Allez, un extrait de cet album, ça s'appelle King's Crown. Electro, Reggae, World. Deux heures de son pas comme les autres. Le meilleur, c'est dans Label Rock. We'll be right back. knowing this. Dying on your machine. There's dinosaurs are everywhere. I swear I saw the earth before. Keep on dreaming of the other world. Run away. La pop à l'honneur dans Label Rock avec un extrait du premier album des Bewitched Hands. Et puis à l'instant, on était parti direction Cap Nord au pays des Mille Lacs, la Finlande, avec un groupe composé de 8 Finlandais qui s'appelle Rubik. L'album est sorti le 5 juillet dernier chez Talitress. Il s'appelle Data Bandits. C'est leur deuxième album, eux aussi, hein, au mois de novembre, en tournée en France. Le 1er novembre à Bordeaux, au Rocher Palmer avec Véron. Le 2 à Toulouse, au Saint des Saints. Le 3 novembre à Pau, à la Centrifugeuse. Le 7 novembre, au Craspec Music de Lyon. Le 8 novembre, à la Maroquinerie de Paris. Le 10, au Confort Moderne de Poitiers. Le 11, au Manège de Lorient. C'est un festival qui s'appelle Les Indisciplinés. Vous retrouverez notamment John et Jen, mais aussi Caribou. Et enfin, dernière date pour les Finlandais de Rubik, à Caen, au BBC, Festival Les Boréales, le 12 novembre. Et encore une date, tiens, le 13 novembre, au 6x4, du côté de Laval. Les concerts, beaucoup, beaucoup de concerts un petit peu partout en France, notamment à Lyon avec des super groupes, un groupe qu'on adore dans Label Rock qui s'appelle les Tindersticks. If I tremble in your arms, if I sigh through your hair, this last affair, there's no more fooling around, there's no more affair. How you gonna find out if my hand by my side, if I avoid your stare, this last affair? Such a crime now. Going gonna get run down, run down. No mercy, no more fooling around. There's no mercy. How you gonna find out? An impulsive thing that we caught the other, climbed into bed with all our previous lovers, gets crowded in there. There's no more fear. No More Affairs, superbe single des Tindersticks, single sorti à l'époque en 1995, hein, quasi au début de leur carrière, et que de chemin parcouru pour le groupe de Stuart Staples, les Tindersticks, jusqu'à maintenant, puisque bah, ils ont sorti, vous souvenez-vous, hein, c'était chez 4AD début 2010, leur huitième album qui s'appelle Falling Down a Mountain. Je pense que vous aurez l'occasion d'écouter pas mal de morceaux de cet album, mais aussi pour les avoir vus en concert plusieurs fois. Ils aiment bien revenir en arrière, donc attendez-vous sûrement à écouter aussi des morceaux un petit peu dispatchés comme ça sur tous les albums des Tindersticks. Je vous rappelle, il y en a 8, et si vous ne connaissez pas encore les Tindersticks, et ben il n'est pas trop tard. Rendez-vous par exemple le 5 novembre, donc cette fin de semaine, vendredi, si vous êtes du côté de Lyon à l'épicerie moderne, les Tindersticks qui seront en concert. We are 7:00 AM. Are we going nowhere? Shoot. Baden-Baden dans la Bell Rock, c'est le nom évidemment d'une ville allemande, mais c'est aussi le nom d'un groupe français représenté par Eric Javel, chant et guitare, Julien Lardet aux guitares, Guillaume Georget à la basse et au chant, et enfin Gabriel Vigne à la batterie et au xylophone. Groupe français donc Baden-Baden qui, 2 ans après sa formation, sort enfin son premier maxi. Le maxi s'appelle 78. Quelques dates là aussi en novembre en France pour aller les applaudir, aller consulter leur site internet. Baden Baden, donc nouveauté dans la Bell Rock. Autre nouveauté un petit peu plus pop, un petit peu plus entraînante, tout nouveau single pour Beat the Rider, le groupe anglais. Ça va sortir le 22 novembre prochain sur le label Acoustic Anarchy Recordings. Je vous rappelle qu'ils viennent de Manchester, qu'ils ont déjà sorti un premier album que je vous ai joué à la fin de l'année dernière, et apparemment déjà plus de 40 chansons composées. Donc si tout va bien, un nouvel album prévu vu pour 2011. En attendant, on peut écouter ça. Beat the Rider, ça s'appelle Animals. His word was full of animals. He said his word was full of animals. He said his word was full of animals today. Said he was feeling, and he was feeling oh so constrained. So it gave him some money, gave him some money, so he goes straight. Falling apart. I gave him some money, gave him some money for a young heart. He said his world was full of animals. He said his world was full of animals. He said his world was full of animals today. Thank you. Petite série de trois morceaux comme ça dans Label Rock. Beat the Rider, Animal, je vous rappelle, le single va sortir le 22 novembre prochain sur le label AA Recordings. Au milieu, sur la compilation Ninja Tune XX, vous savez, cette compilation coffret qui célèbre les 20 ans du label londonien avec plus d'une centaine de morceaux. On s'est écouté un projet qui s'appelle Lorn, L-O-R-N, avec un titre qui s'appelle Soft Room. Et puis, à l'instant, un extrait du premier album de Mikachu, Jewelry, chez Rough Trade. C'est le dernier single, ça s'appelle Just In Case. Je vous rappelle que Mikachu, c'est en fait Mika Levy, hein, musicienne de Londres et ex-protégée du producteur Matthew Herbert, qui a l'habitude de créer, vous l'avez écouté, une pop expérimentale avec des instruments qu'elle fait elle-même, mais aussi elle utilise des objets que vous trouvez un petit peu chez vous comme ça. Ça peut être des instruments de cuisine par exemple. Donc c'est assez spé, mais vachement bien cet album de Mikachu qui s'appelle Jewelry. Je vous rappelle, chez Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet. Retour maintenant aux nouveautés électro sur le label Headbanger, un album attendu de pas mal de monde. C'est la bande originale du prochain film de Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau. Le film s'appelle Rubber, avec pour l'occasion Monsieur Oiseau, qui s'est associé tout simplement à Gaspard Auger, la moitié du duo Justice. L'album, ou la bande originale du film, donc, sort le 8 novembre. On s'en écoute un extrait, c'est Monsieur Oiseau donc et Gaspard Auger, ça s'appelle tout simplement Rubber. We'll be right back. starting again. Wake up. Let's go. Let's go. Come on. Up. Jesus, I hardly slept a wink. It's fucking insects, man. I was really cold myself. Quiet. Wake up. At the time of reconciliation between man and the creation, a man to recognize his own life. Where I come from is roots, and we say, hop and large the way to the overstanding of great and small things. Cause man is alive, life is growing and shining to him. Walking all night long, waiting for the best express, singing all night long. Give thanks and praise for the mighty, that I don't have no credit card. Looking out from the vision, we got to know what is pure and true. Give thanks and praise for the mighty, that I don't have no credit card. Open my eyes. Is it the time of the reign of comet? Your bank concept is a brainwash, is a temptation spell. Down the low domination, desire and merge without masteries. They are a sort of nonsense. Feel freedom chains in prisoning. We should know the nonsense from art that's a long way. After living my long night, what a long night. Walking all night long, waiting for the bus express, saying all night long. I give thanks and praise for the mighty, that I don't have no credit card. Looking out from the vision, we got to know what is pure and true. Give thanks and praise for the mighty, that I don't have no credit card. Looking up from the vision, we got to know what is pure and true. What is so pure and true? Après l'électro de Monsieur Oiseau et Gaspard Auger, un petit peu de dub dans ce programme avec un sound system lyonnais créé en 2002 qui s'appelle Dub Addict Sound System. Ils sont passionnés de dub et de musique jamaïcaine. Ils sont du côté de la Croix-Rousse à Lyon. En gros, les artistes Dub Addict Sound System, ce sont trois live machines, un DJ selector et un chanteur. Ils font évidemment partie de l'écurie Jarring Effect. C'était donc un extrait de Dub Addict qui s'appelle Dub Card. Retour à la pop maintenant dans Label Rock avec un extrait du 9e album solo de Hills. L'album s'appelle Tomorrow Morning. Je vous rappelle que c'est distribué en France par coopérative. Un extrait, ça s'appelle Spectacular Girl. Label Rock. Spectacular. be there when I first broke my chair. I knew there was so much love I didn't know of. There are many of us, there are many of us for you to cheer on to. When I turn around, I want to know you will be there. When I first let you share, I knew there was so much love I didn't know of. There are many of us, there are many of us for you to lean on to. ambiance plus calme dans la belle rock quasi jazz à l'instant avec les Absent Minded, extrait de leur dernier album. Ça s'appelle If You Don't Go, I Don't Go. L'album s'appelle Absent Minded, tout simplement. Je vous rappelle qu'ils sont en concert en France encore deux dates, le 18 novembre au Fil de Saint-Étienne et le 9 décembre prochain à l'Alhambra de Paris, et que l'album est vachement bien. Et puis au milieu, Aska, There Are Many of Us, un titre que l'on retrouve sur une autre bande originale, mais d'un court-métrage signé Spike Jonze. Le court-métrage s'appelle I'm Here, et on avait écouté donc la chanson titre phare de ce court-métrage, une chanson intitulée donc There Are Many of Us, interprétée par une chanteuse de Los Angeles du nom d'Aska Matsumiya, avec au niveau des musiciens Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, et Nick Zinner, le guitariste des Yeah Yeah Yeah. Ça va plutôt pas mal. Label rock, électriquement très satisfaisant. Yeah. vous êtes fidèle à ce programme Label Rock, vous savez que j'adore les voix féminines, notamment du côté de la pop rock. J'aime par exemple ce duo new-yorkais, nouvelle signature chez Warp Records. Il s'appelle The Hundred in the Ends, avec un album, premier album, hein, disponible chez Warp Records depuis le 27 septembre. Là encore, ils sont en tournée française, The Hundred in the Ends. Allez les applaudir par exemple le 5 novembre à l'Astrolabe d'Orléans. Ils seront en première partie de Check Check Check. Le 6 au Rocher de Palmer à Bordeaux. Le 9 novembre du côté de la Marquise à Lyon. Le 10 au Poste à Galène de Marseille en première partie d'Adam Kescher. Et enfin, dernière date pour cette mini tournée française pour les Hundred Indians, ça sera du côté de Paris le 11 novembre au Point Éphémère. Et puis à l'instant, un petit clin d'œil à un auditeur, Hervé, pour ne pas le citer, qui m'a fait découvrir ce groupe américain de Pennsylvanie qui s'appelle Donora. C'est tiré de leur premier album et je crois que c'est le single d'ailleurs qui s'appelle Chut. Le groupe donc s'appelle Donora et l'album s'appelle tout simplement Donora. On continue, on accélère même, on va mettre un petit peu de rap, mais du très bon rap dans cette émission Label Rock, avec un extrait du nouvel album des Californiens de Lexicon. L'album s'appelle Rap Stars. Ils seront notamment à Lyon le 9 novembre au Ninkasi Kao. Lexicon tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle Summer Rain. I made you look, I was a rated rook. Now a savvy vet reaching such great heights. Always worn up like I had an extra life. Keep my mind moving so I'm never uptight. So the songs that I write will be flying like a kite. Everybody seems whack now. Either that or in the clutch, y'all back down. But I can't say you're frontin' cause you ain't leading nothing. In fact, you're in the back like sexy blouse buttons. Oka Nick bussin' while C minus cutting. A potent combo like gin and Robitussin. What? We wash away the pain. Grab a hat, we about to unleash the summer rain. It's coming down. Californien de Lexicon dans Label Rock, extrait Summer Rain de leur nouvel album Rap Stars. Si vous êtes fan des Lexicon, franchement sur scène ils assurent. Allez les applaudir au Ground Zero, au festival Ground Zero du côté de la Péniche à Lille le 5 novembre. 4 jours plus tard, si vous êtes du côté de Lyon, ils seront avec les Beat Toronto Ninkasi Kao le 9 novembre. Donc le 10 novembre à l'Olympique de Nantes, toujours avec les Beat Toronto. Et enfin ils participeront au festival Les Éclectiques du côté de Cholet, ça sera le 12 novembre. novembre prochain. Lexicon, allez absolument applaudir. Pas de date de concert, mais nouvelle date de sortie, nouveauté dans Label Rock maintenant, avec un groupe qui s'appelle Les Poulains en français. Moi j'aime mieux quand on revient directement à la langue anglaise. Il s'appelle Falls. On les a découverts en 2008. Le deuxième album Total Life Forever l'année dernière a cartonné. Voici un nouveau single qui s'appelle Miami. Sébastien Gass. It's a excellente pop dans Label Rock avec le nouveau single pour les Falls, Miami, et puis à l'instant un extrait du nouvel album proposé par les Anglais de Sealand, Circles. Ça c'est le titre qu'on vient de s'écouter. L'album lui s'appelle How to Live. Label Rock, la maison de la très bonne pop, pop indé, avec par exemple un nouvel album pour le groupe londonien The Heartstrings. L'album s'appelle Flap Your Crazy Wings. Là aussi donc superbe album de pop disponible sur le label Grandpa Stan. Un extrait tout de suite dans Label Rock, ça s'appelle Cartoon Hearts. Label Rock, toute l'actualité des labels indés, pop, rock, électro, reggae, world. We'll be right back. Les Working for a Nuclear Free City, ce groupe de Manchester que je vous ai présenté pour la première fois dans la Bell Rock, souvenez-vous, c'était en juillet 2006. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de ce groupe. Je vous rappelle qu'ils ont fait pas mal de choses hein, depuis 2006. On les a connus notamment pour avoir fait des remixes pour des groupes comme The Rakes ou alors les Shit Disco, Star Seller, mais encore plein d'autres groupes. Ils ont sorti deux albums, il me semble. Voici le troisième qui est arrivé chez Melodic Records. L'album s'appelle The Jojo Burger Tempest et il est disponible chez Melodic depuis le 6 septembre dernier. Inutile de vous dire que je suis fan. C'est la fin de cette émission Label Rock. Je vais vous retrouver la semaine prochaine évidemment pour d'autres aventures musicales avec encore à l'honneur beaucoup de nouveautés, vous vous en doutez, mais aussi d'excellentes dates de concerts. Vous pouvez réécouter, je vous rappelle donc, cette émission autant de fois que vous voulez et surtout allez choper donc les track listings et allez vous lâcher hein, pour sur iTunes ou d'autres téléchargements légaux comme ça. Allez acheter les albums pour que la musique indé continue. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous dis soyez sages mais pas trop. Et comme d'habitude depuis quelques semaines, on termine cette émission avec Monsieur Anthony Johnson. L'album s'appelle Swan Lights, Thank You For Your Love. J'adore ce titre et je pense que je vais terminer chaque émission de Label Rock pendant les prochaines semaines avec ce morceau. Allez, on y va. Ciao, à la semaine prochaine. Oh, thank you for your love. Thank you for your love. When I was falling in the seizure of pain, oh, thank you for your love. Thank you. Goodbye. Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.